sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir. Les anges ont réfléchi. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même si le vin coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Leur envol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres si vous n'usez pas la pétition. Dans le couloir de la mort, sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. D'exercer au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème, mais je suis seul maître ici. Mon jugement final est déjà prononcé, et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix. Alors votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux, esprières, syndicats, priez pour nous jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, sobrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges.